بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أنهم فإن الله عز وجل نزمون عضيبوا avec des conseils généraux. C'est une conférence de Sir Salih ibn Abdelaziz al-Sheikh حفظه الله تعالى. Donc, يقول رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه فإن موضوع هذه المحاضرة هو وصايا عامة. Il disait رحمة الله عليه que le sujet de cette conférence ce sont des conseils généraux. وإن الوصية لها شأن في هذا الدين ذلك أنه جاء في القرآن وجاء في السنة ذكر أوامر كثيرة ونواهي بلفظ الوصية. إيه الوصية le conseil, tu peux l'appeler aussi le testament, a une grande importance dans cette religion, car dans le Coran et dans la Sunna du Prophète عليه الصلاة والسلام sont cités beaucoup d'ordres min Allah Azza wa Jal, beaucoup d'interdictions, et en plus avec dans le terme du testament, dans le terme du conseil, et dans le terme de l'ordre, c'est quelque chose à l'impératif. كما في الوصايا العشر التي جمعها في آخر سورة الأنعام بين الأوامر والنواهي قال جل وعلا في أولها قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال في آخر الآية الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ثم قال في الآية الأخرى ذلكم وصاكم به ثم في الثالثة قال وصاكم به دونك إكم إلجي رحمه الله تعالى وحفظه كم إلي دون لدي تستامون كيا كي سون غيوني دون لفن دو سورة الأنعام سورة البستيو سي دي testament, des conseils, des ordres qui sont dedans, réunis entre eux, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et il est dit au début de ce verset, venez, je vais vous réciter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, ce que votre souverain vous a fait illicite. Il a cité le premier ordre qui voulait vous fassiez pas d'associer. Et à la fin de ce verset, il a dit, ça c'est ce qu'il vous a ordonné. Peut-être vous allez raisonner. C'est ce qu'il vous a ordonné. Peut-être vous allez raisonner. Et il est dit dans le verset, l'autre verset. Ça, c'est ce qu'il vous a ordonné. Toujours dans Surat Al-An'am, dans le même verset vers la fin. Et dans le troisième, Dhalikum wassakum. C'est ce qu'il vous a conseillé. C'est ce qu'il vous a ordonné. فالأوامر والنواهي وصية عظيمة من الوصايا التي في الكتاب والسنة. Les ordres, le fait de faire et de ne pas faire, et les ordres qui sont arrivés avec ce terme faire et ne pas faire, sont un grand testament et un grand ordre. Minallah Azza wa Jal. Ils sont nombreux dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna de son prophète alayhi salatu wa sallam. Wa li hadha la gharabata an yakun al mar'u mustawsan bih wa an yakun muwassiyan. فهو قد وصي وكذلك ينبغي له أن ينقل هذه الوصية إلى من بعده فالوصية في هذا الدين أمرها أمر عظيم الذي رحمه الله تعالى les ordres et les interdits sont un noble conseil dans cette religion ils sont contenus dans le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien d'étonnant, ce n'est pas étrange que l'être humain, hein, il a reçu le conseil. Hein, et on a dit aussi, on a conseillé les autres de s'occuper de lui et de le conseiller. Et que l'être humain doit être quelqu'un qui ordonne et qui conseille, parce qu'il a reçu le conseil. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de prendre ces conseils, ces testaments, et de les transmettre à ceux après nous. Car les testaments et les ordres dans cette religion sont énormes et sont très importants. فيقول حفظه الله الوصية الأولى تقوى الله عز وجل. Il dit le premier conseil, le premier ordre, et le premier testament, si tu veux, c'est le fait de préserver les droits de Allah عز وجل qui est taqwa. وعظم الوصايا التي وصى الله بها عباده المرسلين وعباده المتقين من أول ما خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها Taqwallahi jalla jalaluh. Et fait partie des plus nobles et des plus importants et des plus grands testaments et conseils et ordres que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs messagers et à ses serviteurs qui préservent ses droits depuis Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam jusqu'à la fin des temps. Hein? C'est le fait de préserver les droits de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est taqwa. ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر المرسلين جميعا أن يأمروا أقوامهم وأن يوصوهم بتقوى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أغضني أسي مساجي توس كيلز أغضني لور بيبل لو فات دو بريزيرفي لي دغوا د الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Il est dit dans le verset, nous avons ordonné à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un conseil à l'humanité entière. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الشُّعَرَاءِ سُورَةَ الشُّعَرَاءِ وَجَدْتَ أَنَّ كُلَّ رَسُولٍ يَأْتِي وَيَقُولُ لِقَوْمِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ Ala tattaqoun. Et il dit, Habibullah Ta'ala, si tu médites Surat Shu'ara, tu vas trouver que tout ce message, tout message qui est arrivé vers son peuple, il dit quoi à son peuple? Comme il est dit, hein, le peuple de Nuh a dit monter les messagers. Et leur frère Nuh leur a dit, pourquoi vous ne préservez pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala? وهذا فيه الحث والترغيب والامر بالتقوى. Et ça, il y a dedans le fait de accomplir taqwa dans notre vie. Il y a dedans aussi l'incitation à accomplir taqwa dans notre vie. قال جل وعلا ايضا في قصه قوم صالح وفي قصه قوم هود كل اولئك يقول الله عز وجل للرسل ان امروا اقوامكم بتقوى الله عز وجل. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans l'histoire de Saleh, dans l'histoire de Hud avec son peuple, hein, dans toutes ces histoires qu'il y a eu entre les peuples et leur messager alayhi salatu salam, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux messagers alayhi salatu salam d'ordonner à leur peuple à taqwa, le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le peuple de Nuh a dit monter les messagers contre leur frère Nuh leur a dit, pourquoi vous ne préservez pas les droits d'Allah? Je suis un messager clair pour vous. Préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et obéissez-moi. Fayaqulu al-shaykh fal-amru bi taqwa Allah azza wa jal أجمعت عليه الرسل وهو أعظم وصية على الإطلاق وآخر من وصى أمته بتقوى الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Et l'ordre du fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unanimité du messager alayhi salatu wa salam sur le fait qu'ils ont laissé ce testament dans leur communauté. Ils ont ordonné à leur communauté le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier qui l'a fait, notre messager alayhi salatu wassalam, le dernier des messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens de la terre. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Ra. كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وهذه هي حقيقة التقوى عبادة الله وحده والرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا يعبد إلا الله. Donc il est dit dans le verset dans Sourate Hud, versets 1 à 3, Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont faits à la perfection. Ils sont détaillés par celui qui fait les choses à la perfection, qui est Allah, Azzawajal. N'adorez qu'Allah, réservez votre culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala, car je suis pour vous un annonciateur et un avertisseur. Ça, c'est le prophète qui le dit à son peuple, tel qu'il lui a été révélé. Et repentez-vous. Demandez le pardon à votre souverain et repentez-vous à votre souverain et revenez vers votre souverain. Et ça, c'est la réalité du fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il nous arrive des lacunes ou quoi que ce soit, c'est qu'on se reprend à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la réalité de l'taqwa. Qala al-ulama, التقوى أصلها وقوى لأنها مأخوذة من الوقاية هي من وقى يقي إذا كان الشيء وقاية لشيء آخر قيل هذا وقاية وذاك اتخذ تقوى من ذلك الشيء ومنه كما قال العلماء في استشهاداتهم على هذه المادة منها قول الشاعر في امرأة سقط منها نصيفها قال الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. Donc les hommes de science ont dit taqwa, son origine c'est waqwa, c'est-à-dire la racine est près du terme le fait d'être préservé, de prendre quelque chose qui te préserve. Le wiqaya, c'est quelque chose qui te préserve. On dit par exemple des pompiers en arabe, le wiqaya et le madaniya, la protection civile, c'est quelque chose qui protège. Hein? Le wiqaya, c'est quelque chose qui préserve. Il vient du verbe waqa, qui est le fait de chercher quelque chose, de chercher dans quelque chose la protection. Et quand la chose est quelque chose qui protège, il s'appelle wiqaya. Et on dit de quelqu'un, quand il a pris quelque chose pour, akhada hada taqwa, c'est-à-dire il a pris cette chose pour se protéger. Il a utilisé un moyen pour se protéger. Et comme il est rapporté dans la parole des hommes de science, dans cette matière de cette phrase qui est composée, hein, qui est le mot taqwa, la parole d'un poète qui disait quand la femme a fait tomber, hein, un tissu à elle, ben pour que se protéger du regard des autres, il a pris sa main comme protection pour protéger, ce qui est, hein, pour se protéger des mauvais regards. Fatana walat huwa taqatna bil yadi. Il a pris le morceau du tissu, mais en même temps, pour le prendre, il s'est protégé avec sa main. Il a pris sa main comme protection. يعني أنها جعلت يدها وقاية بينها وبين أولئك الذين يرونها فحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية. C'est que dans ce poème que la femme a pris sa main comme chose pour se protéger entre elle et se protéger du regard de ceux qui la regardent. Et la réalité du taqwa, c'est le fait que tu prends une chose et que tu la mets comme barrière pour te protéger d'autre chose. Ça, c'est ta croix. Ce que tu as peur d'une chose, c'est que tu prends une chose qui va être ta wiqaya pour te protéger. Parmi les choses qui t'a appris Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pour te protéger, pour être dans une citadelle, hein? Quand tu sors de chez toi, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Qu'est-ce qu'il dit, Shaitan? Uqita. C'est-à-dire, ça y est. tu es rentré dans une citadelle de protection. Je ne peux plus rien contre toi. وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي تَعْرِيفِ التَّقْوَى أَنَّ التَّقْوَى أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ تَرْجُو ثَوَابَ اللَّهِ وَأَنْ تَخْشَى اللَّهَ وَأَنْ تُطِيعَ اللَّهَ وَتَبْتَعِدَ عَنْ مَوَانِعِ تَخْشَى اللَّهَ وَتَخْشَى عِقَابَهُ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Donc c'est pour ça que certains de nos puiseurs d'Allah Alim ont dit pour la définition de taqwa, taqwa c'est le fait que tu oublies ça à Allah subhanahu wa ta'ala avec lumière min Allah azza wa jal. Ici le terme lumière min Allah azza wa jal, ça veut dire avec preuve. Ta preuve, Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu mets en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et tes preuves sont Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et en agissant ainsi, tu espères la récompense min Allah. Et aussi de l'autre côté, tu crains Allah. Et tu t'éloignes de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit parce que tu as la peur d'Allah azza wa jal, et tu as peur du châtiment d'Allah azza wa jal. Et aussi, par preuve, tu t'abstiens de faire quelque chose avec des preuves. Allah m'a interdit ceci. Rasoul m'a interdit ceci, donc je m'abstiens. Et tout en agissant ainsi, tu mets en application de l'autre côté et tu espères la récompense. Tu espères que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée ton acte, qu'il soit accepté de toi. Et de l'autre côté, tu as peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tes actes dans lesquels tu fais doivent être, tout acte d'adoration doit être accompagné de ces piliers. L'amour, l'espoir et la crainte. L'amour d'Allah Azza wa Jal, hein, et l'espoir en la récompense min Allah, et le fait d'avoir peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous tes actes, tu dois agir ainsi, tu dois avoir ces trois piliers. Tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec amour seulement, ça c'est l'adoration d'Yel Zanadiqa, les extrémistes d'Yel Sofia. Tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec l'espoir tout simplement parce que ça c'est l'adoration d'Yel Murji'a. Ils font rien, mais ils espèrent. Ils ne font rien. Pas de prière, rien du tout. Il dit, mon cœur, il est blanc. Hein? Je ne hais personne, pense pas le mal, donc tout va bien. Et je crois en Allah, et puis c'est tout, il n'y a rien, pas de mal. Donc, tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la peur tout simplement, parce que c'est une extrême aussi, c'est tomber dans l'excès d'Yal Khawarij, dans la voie d'Yal Khawarij. Parce qu'au moins, ils adorent avec la crainte et tout, la crainte de te faire un péché, la crainte du châtiment, etc. Et donc, ça les a poussés très loin. Hein? Ça les a sortés à l'extrême, à l'extrême. Ben, le Murji'a et le Khawarij, les deux sont à deux extrêmes. Ah, donc nous ne parlons pas d'Yel Zanadiqa qui disent, nous, Ya Allah, on ne t'adore pas par espoir de ton paradis, mais on t'adore tout simplement par ton amour, on ne t'adore pas parce que nous avons peur de ton châtiment, mais tout simplement parce qu'on t'aime. Ah, là, c'est la parole d'Yel Zanadiqa et l'extrême d'Yel Zandaqa. Ça n'a pas à avoir lieu chez un musulman et chez un croyant. Et en même temps, on ne tombe pas ni dans le laxisme d'Yel Murji'a, ni dans l'extrémisme d'Yel Khawarij, et on est dans le juste milieu. On adore Allah parce qu'on l'aime. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le seul digne d'être aimé. On l'aime pour ses actes, pour ses noms, pour ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala est loué et aimé pour tout. Hein? Et on l'adore avec espoir parce qu'on espère l'agrément d'Allah. On espère la récompense min Allah subhanahu wa ta'ala. Et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous. Et on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on s'abstient des péchés, etc. Parce que nous avons peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos actes d'adoration, ces piliers doivent être là à présent pour ne pas tomber dans une voie qui n'est pas louable. Et tous ces trois piliers ont leur preuve dans les premiers versets d'Al-Fatiha. L'amour, sa preuve étant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Car la louange n'est due qu'à celui qui est vénéré avec amour, qui est Allah Azza wa Jal, qui est le souverain du monde. La preuve de l'espoir, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim, car c'est le clément, très miséricordieux, donc on espère sa clémence. Et La preuve de la peur étant Malik Yawmiddin, le roi du jour de la rétribution, parce que s'il y a rétribution, il y a le roi du jour de la rétribution, donc il y a la rétribution, ou le paradis, ou l'enfer, ou le châtiment, ou les délices. Donc, les preuves des piliers, des trois piliers de l'adoration, qui sont l'amour, l'espoir et la peur, sont dans Sourate al-Fatiha. Les trois premiers versets, tu as tes preuves. يعني يقول الشيخ حفظه الله تعالى يعني أن التقوى جمعت في الأمر والنهي بين أن تكون ممتثلا للأمر على نور من الله وأن تكون مبتعدا عن المنهيات على نور من الله ترجو ثواب الله فيما تمتثل من الأوامر وتخشى عقاب الله فيما تنتهي عنه من النواهي إلدي حفظه الله تعالى تقوى a réuni l'ordre et l'interdiction. C'est-à-dire au moment où tu mets en application avec preuve et tu t'éloignes avec preuve minallah azza wa jal, et tu t'éloignes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit avec preuve et tu espères la récompense minallah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que tu fais, dans tes actes d'obéissance, et tu as peur aussi du châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes que tu délaisses, que tu ne fais pas, parce que tu as peur, tu as la preuve, et tu as peur du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ إذا تبين هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بتقوى الله حيث أمر ذلك الذي استوصاه بقوله اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. Donc, et si, Cheikh de nous dire, si ceci est clair, le Rasul صلى الله عليه وسلم a ordonné aux croyants le fait de préserver les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un lui a demandé de lui faire conseil, lui a dit, préserve les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où que tu sois. Et quand tu fais une mauvaise œuvre, celui-là dit une bonne œuvre, il va l'effacer. Mais la première chose qu'il lui a dit, préserve les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où que tu sois. Hein? Et dans le hadith, que les hommes de science appellent le hadith de celui, le conseil de celui qui fait ses adieux, qui est le hadith de l'Irbad ibn Sariya, quand ils lui ont dit, Ya Rasulallah, peut-être que c'est une exhorte de quelqu'un qui fait ses adieux, la première chose qu'il leur a dit, quand ils lui ont dit, Ya Rasulallah, donne-nous des conseils, il leur a dit, hein, alaykum bit taqwa, alaykum bit taqwa Allah, accomplissez la taqwa, préservez les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le premier conseil que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné à la communauté. Cela te prouve l'importance du fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqwa Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an et aqsam. Et taqwa dans le Qur'an, c'est plusieurs catégories. At-taqwa al-amma allati khatab Allah azza wa jal biha jami'a an-nas fi nahwi qawlihi ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum in zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim wa fi nahwi qawlihi ta'ala ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum fi ayati an-nisa wa ghayri dhalika min al-ayat. Taqwa, il est général. Taqwa général, c'est-à-dire que taqwa a c'est plusieurs catégories. Il y a la taqwa générale qui est adressée à l'humanité entière. Croyants et mécréants. Tous les gens sont concernés. Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets, s'est adressé à tout le monde, sans exception. Tous. Croyants et mécréants. Il est dit dans le verset dans Sourate Al-Hajj. Ô gens, préservez les droits de votre souverain, car les événements de l'heure et le tremblement de l'heure est énorme. C'est-à-dire l'heure, ça va arriver pendant l'heure. Quand la résurrection arrivera, ça va être énorme. Préparez-vous en préservant les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, la taqwa dans le sens général qui est donnée à toute l'humanité, c'est le verset dans Sourate Nisa, qui est contenu aussi dans Khutbat al-Haja. Aux gens, préservez les droits de votre souverain. Et d'autres versets dans lesquels il y a l'ordre intimé à toute l'humanité. Croyants et mécréants, tous. قال العلماء هذه المرتبة هي المرتبة التي يجب تحصيلها على كل أحد فهذه التقوى يؤمر بها المسلم ويؤمر بها الكافر. Les hommes de science disent, ce degré de taqwa, c'est le degré que tout être humain doit acquérir. Tout être humain doit accomplir ce degré. Et c'est taqwa, à ce niveau-là, est ordonné. Le musulman est ordonné de l'accomplir. Le mécréant, il lui est ordonné aussi de l'accomplir. Wa haqiqatuha an takuna muwahhidan lillah. مبتعدا عن الشرك ووسائله. Et la réalité de ce degré, de ce taqwa à ce degré-là, c'est que tu sois monothéiste et que tu réserves ton culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu t'éloignes de l'associationnisme et de tous les moyens qui amènent vers l'associationnisme. يقول الشيخ لأن أول درجات التقوى عذاب الله وأن تتقي سخطه وأن تتقي العقوبة في الدنيا وفي الآخرة بأن تكون موحدا مخلصا لله جل وعلا مبتعدا عن الشرك ووسائله. Car il dit Cheikh Abdallah, le premier degré de taqwa, c'est le fait de te préserver du châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le fait de te préserver de quoi? De la malédiction de Allah subhanahu wa ta'ala et de la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de te préserver du châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans le delà. Et ceci, tu peux y arriver tout simplement en étant monothéiste et en accomplissant la religion sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu y arrives en t'éloignant de l'associationnisme et de tous les moyens qui amènent vers l'associationnisme. قالوا للعلم وهذا فيه من علم وتعلم. لأن تحصيل التوحيد في القلب وتحصيل فروعه لا بد له من علم. Et les hommes de science ont dit, il y a dedans le fait de l'apprentissage, le fait d'acquérir la science et d'apprendre. Car pour avoir le monothéisme dans le cœur et pour avoir les détails qui découlent, c'est-à-dire les actes qui découlent du monothéisme, il est obligatoire qu'on apprenne. Ça ne vient pas du vide. Il faut un enseignement, il faut un apprentissage. فمن الناس من لا يعلم كثيرا من الأمور التي عدها العلماء من أفراد التوحيد أنها من التوحيد وذلك لعدم علمهم بذلك كذلك لا يعلم أن بعض الشركيات التي قد يمارسها بعض الناس أنها من الشرك وهذا إن كان كذلك ولم يتعلم التوحيد والشرك فإنه لم يحصل هذه الوصية العظيمة التي وصى الله جل وعلا بها المرسلين والأنبياء وأمرهم أن يوصوا أقوامهم بذلك. Il dit حفظه الله تعالى, il est obligatoire pour nous d'apprendre, parce que le monothéisme ne va pas s'acquérir dans le cœur sans apprentissage. Il dit, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas beaucoup de choses qui sont considérées par les hommes de science faisant partie du monothéisme. Et tout ceci parce qu'ils n'ont pas appris. Et ils ne savent pas, et certains ne savent pas beaucoup de choses qui sont du domaine de l'associationnisme, et peut-être il va tomber dedans. Il ne sait pas que ce sont des actes d'associationnisme, tout simplement parce qu'il n'a pas appris. Et cher de nous dire, Hada, s'il est ainsi, il n'a pas appris le monothéisme et l'associationnisme, il n'a pas acquis déjà ce noble testament avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala, ce testament et cet ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait aux messagers, que les messagers ont fait à leur peuple. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux messagers d'accomplir le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de l'associationnisme. Et eux aussi ont reçu l'ordre de l'ordonner à leur peuple. Et les messagers alayhi salatu wasalam l'ont ordonné à leur peuple. Et donc cette personne qui ne connaît pas certaines parties essentielles du monothéisme, et certaines parties, il ne sait pas que ça fait partie du monothéisme, et il ne connaît pas certains aspects de l'associationnisme, et peut-être qu'il le fait, celui-là n'a pas appris, et celui-là n'a pas acquis ce testament. ce premier degré de ce testament, qui est taqwa, il ne l'a pas acquis. فأول الدرجات يقول الشيخ أن تكون ساعيا سعيا حتيتا في أن يكون قلبك مع الله جل وعلا. Et Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala de nous dire, le premier degré, c'est que tu fasses en sorte, tu t'acharnes, alaykoum salam Allah. Tout ce qu'il y a dans tes moyens, tu l'utilises pour que ton cœur soit lié à Allah subhanahu wa ta'ala. وعليكم السلام وصلاح القلب ونوره إنما يكون إنما بكون الله عز وجل فيه وبتخليص القلب من أن يكون فيه رغب ونظر إلى غير الله عز وجل et la purification du cœur et le fait et la lumière du cœur ne s'acquiert que qu'une fois que ce cœur est lié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce qu'il y a dans le cœur, il est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dans ce cœur, ce cœur soit rempli avec le fait d'avoir envie des choses et des promesses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. يقول الشيخ فإن حقيقة لذة القلب وحقيقة التقوى التي تحصل في القلب لأن مكان التقوى هو القلب التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. Il dit حفظه الله تعالى car la réalité du goût et du goût X qui est dans le cœur arrive de cette taqwa que tu as créé, tu acquiers avec laquelle tu remplis ton cœur. Ton cœur va être dans un délice. S'il est rempli de taqwa, du fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est rempli du fait de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est lié complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que, tout ce qui est dans son cœur, il est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu vas être dans un délice ton cœur, tu vas être dans un délice intérieur. Car l'endroit et le récipient, et l'origine d'Al Taqwa, c'est le cœur. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Al Taqwa ha'una, il a tapé trois fois, il a montré trois fois son cœur. Taqwa ha'una. C'est-à-dire le bien, son démarrage, c'est de l'intérieur. Il en est de même du mal. يقول الشيخ إنما يكون بأن يكون الله جل وعلا وحده في قلب العبد. Et cela arrive comment? Quand le cœur de la personne, il est rempli par Allah Azza wa Jal. Plus que tout ce qu'il y a, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des choses que l'insan, l'être humain, il fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces cas-là, c'est ainsi qu'il va rentrer dans ce domaine du délice d'Al Taqwa, et dans ce domaine des délices du cœur et de la réjouissance intérieure. فَإِذَا دَخَلَ غَيْرُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى فِي قَلْبِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يَنْزَاحُ مِنْهُ مِنَ التَّقْوَى بِقَدْرِ مَا دَخَلَ مِنْ دَلِي. Et quand quelque chose qui n'est pas du domaine d'Al Taqwa s'immisce dans le cœur de la personne, il faut savoir que dans ces cas-là, par rapport à la chose qui est rentrée, il y a une partie d'Al Taqwa qui va sortir. Ils ne vont pas cohabiter ensemble. Par rapport aux choses qui commencent à s'immiscer dans le cœur, ces choses vont faire quoi? Vont faire chasser une partie d'Al Taqwa pour occuper la place. يعني من جهة التوجه من جهة الإخلاص من جهة الإقبال. Ça veut dire de ça. C'est pas quelque chose de matériel qui s'inscrit, mais au niveau de l'orientation du cœur, au niveau de la sincérité qui démarre du cœur, c'est là qu'il va diminuer. Pas d'orientation, pas de concentration de la personne, pas de concentration intérieure, parce que le cœur est occupé avec autre chose. Donc il n'y a pas cette concentration intérieure, donc il y a quelque chose qui est prise. Parce que autre chose l'a pris. Soit la femme, soit les enfants, soit les choses de ce bas monde. Donc ce qui fait que ça annule et ça prend des parts de place au niveau de l'accomplissement d'Al Taqwa dans le cœur de la personne. Fayakounu fil qalbi hubbu dunya, yakounu fil qalbi hubbu al-jah, yakounu fil qalbi hubbu al-mal, yakounu fil qalbi hubbu al-sum'a, yakounu fil qalbi hubbu al-maladdat wa al-shahawat. Fayda qawiyat hadhihi fil qalb, da'ufat al-taqwa, hatta rubbama wasalat بالمرء لأنه يفرط في الأوامر ويفرط في أمر النواهي يعني يخشى النواهي ويترك الأوامر. Il arrive à la personne que son cœur soit rempli de l'amour de ce bas monde. Et dans son cœur, il y a le fait de vouloir avoir la puissance, d'avoir un rang social et d'avoir une considération dans la société. Ça, ça prime sur son cœur. Et dans son cœur, il y a le fait d'aimer la fortune. Donc sa concentration va aller vers où ? Tout ce qu'il va faire, son esprit tout s'oriente vers les choses qui remplissent son cœur. Il est évident, il se fait au détriment de la taqwa. Il y a dans le cœur le fait de vouloir avoir une réputation et d'aimer la réputation. Évidemment, ça va se faire au détriment de la taqwa. Hein? Il y a dans le cœur le fait d'aimer les tentations, les plaisirs et... Hein? Ça aussi, ça va être au détriment de la taqwa. Et donc, quand ces choses-là ont la force dans le cœur, ben, taqwa faiblit dans le cœur. Peut-être il va arriver jusqu'au minimum, au zéro, au point le plus bas. Peut-être ça va amener la personne à être négligent au niveau des ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça va amener la personne à être négligent au niveau de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui interdit. Et il va tomber dans, il va transgresser les lois d'Allah, il va tomber dans ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui interdit. Allah lui a interdit d'écouter la musique. Et quand autre chose remplit son cœur, les tentations, c'est facile pour lui, ça ne lui fait rien, ça ne le dérange même pas. Il trouve goût. Hein? La même chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de zioter ce que Allah subhanahu wa ta'ala est haram. Bah lui, avec le manque de taqwa dans le cœur, et avec le fait que le cœur est rempli de tentations, etc., bah, le fait de rincer ses yeux à longueur de journée, ça ne lui fait rien du tout. Il prend plaisir à ça. Donc, tout ça quoi ? Parce que taqwa n'est pas comme il se doit, n'a pas pris la place dans le cœur comme il se doit, et qu'il a été concurrencé avec autre chose. L'amour, les tentations, l'amour du sabbat monde, l'amour de la réputation, l'amour du rang social, etc. Il est évident que l'intérieur en subit les conséquences. Et la concentration du cœur n'est plus. Le corps est divisé dans ces cas-là. Dans sa concentration, ce n'est pas tout vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a pour Allah, il y a pour autrui aussi. Il y a pour la tentation, il y a pour le bas monde, il y a pour la femme, il y a, etc. يقول الشيخ فصلاح القلب في تحصيل هذه الدرجة العظيمة من تقوى الله جل وعلا وهي بأن تخلص القلب أن تخلص القلب من غير الله جل جلاله وهذا إنما يكون بالمحاسبة. La bonté du cœur et la purification du cœur, il est dans le fait d'atteindre ce degré d'el taqwa, où tu préserves les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu t'abstiens de ces interdits, le fait de purifier ton cœur et de faire que ton cœur soit rempli de sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu ne peux y arriver qu'en faisant des comptes avec toi-même, qu'en prenant du temps et que tu fasses des comptes avec toi-même. Là, en faisant des comptes avec toi-même, il est évident que tu vas voir les lacunes, les hicks que tu as. Et donc, Inch'Allah, tu vas y remédier. Et même si aujourd'hui tu n'y arrives pas, avec le temps, plus tu fais de comptes avec toi, plus tu y sais, plus tu prendras le dessus sur ces tentations et ces choses qui ne doivent pas exister dans ton cœur. Mais si on ne fait pas de comptes avec soi, on ne sait pas où il est le hic. Donc, Shaitan, c'est ce qu'il veut. Tant que tu ne fais pas de compte avec toi-même, ben tu ne te rends pas compte de la ruine intérieure que tu as. Tu ne te rends pas compte, donc tu ne remédies pas à la restauration. Ça va de soi. Donc ça demande de nous s'arrêter avec nous-mêmes. Et à regarder, qu'est-ce que j'ai fait dans ces 24 ans ? Cette semaine, comment il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur réellement ? Quand je rencontre tel... C'est quoi le sentiment que j'ai ? Quand je fais cet acte est-ce que cet acte est réellement sincère pour Allah, ou là il y a autre chose, qu'est-ce que je veux dire, etc. Il dit, la personne, il fait des comptes avec, pour arriver à mettre le point sur la maladie pour lui donner le remède adéquat. Parce que si tu ne fais pas le bon diagnostic, ce n'est pas possible que tu puisses trouver le remède. فَإِنَّ لَدَّةَ الْقَلْبِ إِنَّمَا هِيَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Car la réjouissance de cœur ne se fait qu'avec cet amour et cette sincérité qu'on a vis-à-vis d'Allah عز وجل. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقله تلميذه العلامة ابن القيم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة أو من لم يعرفها لم يعرف جنة الآخرة وهذه الجنة التي في الدنيا هي جنة لذة القلب بمعرفة الله عز وجل وتوحيده والأنس به. Et Cheikh l'Islam, ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, de nous apprendre, comme il a été rapporté par son élève, ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans ce bas monde, il y a un paradis. Celui qui n'a pas rentré, qui n'est pas rentré dans ce paradis ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. Et celui qui n'a pas connu ce paradis dans ce bas monde ne le connaîtra pas dans l'au-delà. Et ce paradis dans ce bas monde, c'est le paradis de la réjouissance du cœur. Hein? Et du bien et de la quiétude qu'il y a dans le cœur. Avec la connaissance. D'où vient tout ceci? Vient de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens où si tu fais partie des réels croyants, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, il te protège, il te voit, il te fait accomplir les choses qu'il aime. Non, il n'est pas avec toi sur terre. A'oudou billah. فَإِنَّ الْقَلْبَ الْمُخْبِتَ الْمُنِيبِ أحوج ما تراه يكون لنفسه أن يكون مقبلا على الله منقطعا عن الخلق يعني أنه إذا خالط الناس فيخالطهم مخالطة الكاره لذلك. Parce que le cœur qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, et tu le vois, il accourt vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il est coupé des gens. Il est préoccupé par son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, par sa liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il se mélange avec les gens, il n'aime pas trop être dans ce mélange, le mélange dans lequel il y a n'importe quoi. Hein? Il n'aime pas être dans les futilités avec les gens, etc. Et fréquenter les gens pour les futilités. Mais il y a des réunions avec les gens qui sont louables. Et on est, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés sociables, donc tu ne peux pas rester tout seul, tu vas péter un plomb. Mais non plus, tu ne dois pas perdre ton temps avec n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi, et à dire n'importe quoi, et faire n'importe quoi non plus. Hein? Que celui qui cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, son cœur doit être toujours lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ses fil aqwali wal a'mal, dans ses actes, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Il observe tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala. Toute parole qu'il va dire, ah, c'est quoi cette parole? Qu'est-ce qu'il va ramener? Est-ce que je l'ai dit sincèrement pour Allah ou là pour autre chose? Est-ce qu'il ramène l'agrément d'Allah ou là il ramène la malédiction d'Allah? Tout acte qu'il fait, il en est de même, il est dans cette analyse. إذا تحرك قلبه فإنما يتحرك لله وإذا فكر قلبه فإنما يفكر في أمر الله عز وجل وفي دينه وفي ما يجب عليه وفي ما يحرم عليه. Donc quand le cœur de cette personne bouge, il va bouger pour Allah. Et quand il pense sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de lui. Il pense à sa religion. Il pense aux choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait obligatoire et ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. ويقول الشيخ حفظه الله وأساس هذه الدرجة أن يكون القلب معلق بالجنة خائفا من النار. Il dit حفظه الله تعالى l'origine et la base de ce degré, pour atteindre ce degré, c'est que le cœur soit lié et suspendu au paradis et que le cœur ait peur de l'enfer. Hein? que la personne, dans son cœur, a envie, il veut aller au paradis, il espère le paradis, et qu'il ait peur du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la base pour atteindre ce degré. قال جل وعلا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين قوله هنا أفمن وعدناه وعدا حسنا يعني ذلك القلب الذي قامت به التقوى وأثمرت عملا صالحا واقترب من الأوامر وبعد عن النواهي فإن لكل شيء وسيلة. Donc, il cherche de nous dire, nous rapporter un verset dans Sourat Al-Qasas. Est-ce que celui à qui on a fait la bonne promesse, il va la retrouver cette promesse? Comme celui qui a, à qui on a donné les plaisirs dans ce bas monde. Et le jour de la résurrection, il sera parmi les présents. Le verset, la phrase qui dit, celui à qui on a fait la bonne promesse, ça veut dire le cœur dans lequel s'est accompli taqwa, et cette taqwa a donné naissance à des bonnes œuvres. Et cette personne s'est rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, et s'est éloigné de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Car toute chose a un moyen pour y arriver. Pour arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut mettre en application les ordres d'Allah et s'abstenir de ses interdits. Pour arriver, hein, et c'est ainsi qu'on remplit notre cœur d'Al Taqwa. Et pour faire vider le cœur d'Al Taqwa, c'est désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et en même temps, on accourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul le shaykh, fatahsilu hadi daraja min darajati taqwa, wa taqwa kama dhakarna, هي أعظم وصية من وصايا الله جل وعلا لعباده ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ما تحصل به هذه التقوى أن يكون نظر المرء إلى الجنة كأنها أمامه وإلى النار كأنها أمامه فينظر إلى الجنة وما فيها من النعيم ويوشك في يقينه أن يصير إليها إن رحمه الله جل وعلا ومات على الإيمان وعلى التوحيد وينظر إلى النار وما فيها وما أخبر الله جل وعلا عما في النار من النكال والعذاب فيخاف ويرى نفسه وكأنه إن لم يرحمه الله جل وعلا قد واقع ذلك العذاب. وعليكم السلام ورحمة الله. ليه عبد الله تعالى il faut acquérir ce degré de taqwa. Et taqwa, comme il l'a dit, Hafidhahullah Ta'ala, c'est le plus grand testament, le plus grand désordre parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous avons ordonné, ainsi qu'à ceux qui ont reçu le livre avant vous, le fait de préserver les droits d'Allah. Il dit, les moyens avec lesquels on va acquérir taqwa, c'est que la personne regarde le paradis comme s'il est devant le paradis et qu'il va y rentrer. Et il regarde aussi l'enfer comme s'il est devant l'enfer. Il regarde le paradis, il regarde les bienfaits qu'il y a dans ce paradis, et qu'il ait la certitude que bientôt, si Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, il va y arriver. S'il meurt sur la foi, et sur le monothéisme, et sur le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il regarde à l'enfer, et ce qu'il y a dans l'enfer, et ce que nous a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi sallam, des choses qu'il y a dans l'enfer parmi les différentes formes de châtiment. Et il a peur pour lui-même, si Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, qu'il ne tombe pas dans ce châtiment. C'est ainsi qu'on arrive à s'acquérir ce degré d'il taqwa. Et qu'il le Cheikh, صلاح القلب بأن لا تغيب الجنة ولا النار عن ذلك القلب لحظة واحدة. Et Cheikh de nous dire, la pureté du cœur arrive avec le fait que nous ayons que jamais, hein, la pensée du paradis et de l'enfer soit absente de notre esprit. Il faut qu'à notre esprit, il y ait toujours présent la pensée du paradis et de l'enfer. Et qu'à aucun instant, ça s'absente de notre esprit, dans notre cœur. فإذا كان القلب أتاه هذا النور أتاه هذا الصلاح كان متقيا لله جل وعلا بأعظم التقوى، ألا وهو تحصيل الطاعات، تحصيل التوحيد وفروع التوحيد والبعد عن الشرك وعن المنهيات. Il dit, si le cœur, il atteint cette lumière, il a été comblé par cette lumière, ben ça va être quelqu'un qui va préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les moyens les plus importants dans le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou s'abstenant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, en accomplissant le monothéisme dans tous ses détails et dans toutes ses branches, et en s'éloignant de l'associationnisme et de tous les détails de l'associationnisme et de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Le fait d'accourir vers l'obéissance, il est évident que si on pense à cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son paradis, à ses délices et à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est évident que la personne se sent là être motif pour accomplir. Et si on pense aussi au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'enfer, et on réfléchit à ces descriptions des châtiments et des formes de châtiments dans lesquelles il y a dans l'enfer, comme l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et comme nous l'a décrit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est évident qu'on va s'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Et qu'on va arriver, en agissant ainsi, on arrive au degré de taqwa. Yaqul le Cheikh, inna hadha al-amr ala wa huwa ma'rifatu at-tawhid ومعرفة ضده وهو الشرك يحتاج إلى تعلم. من الناس من يترك نفسه دون تعلم ويقول أنا على الفطرة، أو من في البيت على الفطرة، وأعدم ما تتركه في بيتك بل أعظم ما تتركه لنفسك وتجعل نفسك لمتعلقة به، أن يكون القلب دائما في سلامة من أن يكون فيه غير الله عز وجل، وذلك بتحقيق الإخلاص والبعد عن الشرك. Et cette situation, nous dit Cheikh, qui est le fait de connaître le monothéisme et de connaître le contraire du monothéisme qui est l'associationnisme, a besoin de nous d'un apprentissage. Et il dit, combien de gens n'apprennent pas, se laissent aller et n'apprennent pas. Il dit, moi je suis sur la fitra, sur la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il m'a créé. Et ceux qui sont à la maison sont sur la fitra. Il ne se donne pas le moyen d'apprentissage, lui. Il ne s'occupe pas non plus de ceux qui sont sous sa tutelle, sous sa responsabilité. Et la chose la plus importante, c'est ce que tu laisses à l'intérieur de la maison. Hein? Parce que l'imam Ado et Dadda Mohamed Fqih, ils n'arrêtent pas de t'envoyer des petites cartes de visite. Hein? Il suffit qu'ils disent que tu as un petit problème avec... L'Allah à la maison, et après, il se rappelle que Mamadou a laissé la carte visite dans la boîte à lettres, et il appelle, et il va voir. Hein? Andak, des fois, de temps en temps, il faut que tu secoues ceux qui sont avec toi un petit peu, pour voir s'il n'y a pas des actes de petit Mamadou qui sont là, ou l'acte de Mohamed, qui est là aussi. Un petit talisman accroché dans la salle de bain, un autre, sur le lavabo de la cuisine, l'autre, Andak, apprends le monothéisme à l'islam, et enseigne le monothéisme à ton épouse et à tes enfants, et apprends l'associationnisme, et enseigne-le à ta femme et à tes enfants, parce que la situation est énorme. Tu crois des fois, tu crois que tout va bien, mais en réalité, Zghlal est là dans l'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala, salam wa afia. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de s'acharner, de faire tout ce qu'il y a dans notre moyen pour que nos cœurs soient épargnés et que nos cœurs, de tout ce qui est en dehors d'Allah, et que nos cœurs soient remplis de l'amour d'Allah et de la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'aimer ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et d'aimer le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'aime le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et de faire les actes sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'éloigner de l'associationnisme, désavouer l'associationnisme et toute forme d'associationnisme et d'associateur. Et ceci a besoin de nous, d'un apprentissage. Et nous, et ceux qui vivent avec nous, ceux, nos femmes, nos enfants, tous nous avons besoin. لهذا لا بد من أن للعبد نظر مع نفسه هل حصل هذه المرتبة من التقوى أم لم يحصلها. لأن التوحيد له فروع كثيرة. ولأن الشرك له فروع كثيرة ومن أنواع الشرك ما ينافي كمال التوحيد ومنه ما ينافي أصل التوحيد ومن الناس من يخشى بعض الذنوب المتعلقة بالتوحيد والشرك يعني منافيا لكمال التوحيد أو هي التي من شرك الألفاظ أو من الشرك الأصغر دون أن يشعر حفظه الله تعالى il est obligatoire pour nous de s'auto-observer et de s'arrêter un petit peu avec soi-même et de voir est-ce qu'on a acquis le degré de taqwa ou ne l'avons pas. Est-ce que nous l'avons là, nous ne l'avons pas. Car le monothéisme, il a des branches. Et l'associationnisme a des branches aussi. Beaucoup de branches. Le monothéisme a beaucoup de branches et l'associationnisme a beaucoup de branches aussi. Et fait partie des branches de l'associationnisme, ce qui va annuler... Hein? Ce qui va dénigrer dans le monothéisme, et le monothéisme de la personne ne sera pas complet, ne sera pas parfait. Il est monothéiste, mais son monothéisme n'est pas complet. D'accord? Et fait partie aussi de certaines branches de l'associationnisme qui vont annuler l'origine du monothéisme. C'est-à-dire sortir carrément de l'islam. Hein? Qui vont annuler l'origine du monothéisme. Et la base principale, et la personne va sortir de l'islam de là où ils ne le sont même pas. Et il y a certaines personnes qui font des péchés, qui ont rapport avec le monothéisme, et qui commettent des actes qui ont rapport avec l'associationnisme. Ça veut dire que ceux-là sont dans des situations où leur monothéisme n'est pas complet. Ils dénigrent leur monothéisme, ils le diminuent. Hein? Et il y a aussi des fois, les personnes prononcent des choses qui dénigrent dans le fait que leur monothéisme soit complet. Des termes dans lesquels il y a l'associationnisme. Hein? Il tombe, il dit, Waqnbi, Walidin, et ainsi de suite. Plein de termes ainsi. Les jeunes dans la cité, sur la tête de ta mère, et ainsi de suite. Vazinta. Hein? Des trucs auxquels on ne fait pas attention. Il y a des expressions qui viennent et qui dénigrent notre monothéisme. Ils ne l'annulent pas, mais ils le dénigrent. Hein? Et des fois même, combien d'autres termes sont dits par ceux, pas tout simplement les jeunes de la rue, mais combien par ceux qui fréquentent les mosquées, etc., et qui apprennent, et autres, ils tombent dans ce genre d'expression. Hein? Donc, il faut faire très attention à tout ça pour arriver... À ce premier degré d'Yel Taqwa. Ah, on va voir, Inch'Allah, demain, le deuxième et le troisième degré, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.